보고 넌 내 맞지만 남자가 될 거란 걸 알지만 넌 아직 몰라 왜 놀라 싸워서 빨리 나를 골라 말할 필요도 없어 그냥 내 말대로 잘 할 생각만 하는데 그런 일이 앞에 난 짠 보고 판단해를 봐 어떡할 할 날도 땅맞아 모두 땅맞아 D'anniversaire en K-pop, une émission spéciale pour le 51e anniversaire de la KBS. De nombreux auditeurs ont envoyé des messages de félicitations et leur liste de chansons préférées. Tout d'abord, j'aimerais vous présenter le message envoyé par les membres du groupe des auditeurs de KBS World Radio dans la région de Balikpapan, en Indonésie. Allô, saya Rudi Hartono dari Kalimantan. Selon Rudi Hartono d'Indonésie, KBS World Radio occupe toujours une place importante dans le cœur des auditeurs, même à l'ère du numérique. Monsieur Idriss a lui aussi fait part de ses félicitations pour le 51e anniversaire de la KBS, tout en nous encourageant pour la suite. KBS m'a permis de comprendre profondément la culture coréenne. C'est le jackpot de la vie, a déclaré l'auditeur indonésien Mel. Le jackpot de la vie est une merveilleuse expression. Je vous invite donc à découvrir la chanson proposée par Mel. Voici Jackpot de Vener. Voici le message est venu du Japon, de la part de Hiroshi Nakagawa. J'écoute KBS depuis la fin des années 70. Les émissions japonaises de KBS m'aident à comprendre notre pays voisin, la Corée du Sud. Je crois que c'est le média le plus important et le plus fiable, a-t-elle dit. Koichiro Ito a lui aussi envoyé un message de félicitations. J'écoute tous les jours les émissions japonaises de KBS depuis plus de 20 ans. Je continuerai à les écouter à l'avenir. Nous adressons nos remerciements à nos auditeurs au Japon qui restent fidèles depuis longtemps et qui nous ont même envoyé leur chaleureux message de félicitations pour ce 51e anniversaire. De son côté, Satoshi s'est exprimé en citant un extrait des paroles de Bless You de Tulgokwa. Aujourd'hui, nous nous sommes tous réunis pour vous souhaiter un avenir radieux. Alors voici la chanson recommandée par Satoshi, Bless You de Tulgokwa. Dirk Dalman nous envoie un message comme tel. Je félicite sincèrement la KBS pour son 51e anniversaire. Lors de mon 25e anniversaire, ma sœur m'a félicité en disant « Tu as déjà vécu un quart de ta vie. » Waouh, la KBS souffle déjà ses 51e bougies. Je continuerai à passer du temps avec KBS et j'attends avec impatience de nouvelles émissions pour les auditeurs. Merci Monsieur Vanner Dirk pour ses gentils mots. Parmi les auditeurs qui nous ont envoyé leurs anecdotes, certains ont partagé des souvenirs liés à leur propre anniversaire. C'est le cas de Marino Manuela de Colombie. Le plus bel anniversaire de ma vie, c'était quand j'ai eu 16 ans. C'était une fête d'anniversaire surprise. Mes parents m'ont demandé d'emmener mon petit frère faire une petite promenade. Mon frère et moi sommes passés devant un restaurant où j'avais toujours eu envie d'aller. Soudain, mon frère est rentré. Alors j'ai suivi. Il y avait une fête d'anniversaire pour moi dans ce restaurant décoré de ballons colorés, de lumière et de fleurs. Je ne pourrai jamais oublier cette scène. Quand on me demande quel a été le plus beau cadeau que j'ai pu recevoir dans ma vie, je réponds que c'était cette fête d'anniversaire surprise. Incroyable, ça a dû être un souvenir inoubliable. De son côté, Julia Rentero du Pérou a encouragé la KBS à faire connaître le charme de la culture coréenne. Comme Marino Manuela et Julia Rentero, Ils étaient nombreux à se taire écouter une chanson de BTS. Je vous propose donc Spring Day de BTS, recommandé par Alam de la région arabe. Par Magdalena Golsala. En décembre septembre dernier, j'ai enfin réalisé mon rêve de vivre en Corée du Sud. J'ai donc passé mon nouvel an et même mon anniversaire dans ce pays. Lors de mon anniversaire, je me suis beaucoup amusé avec mes amis en prenant des photos dans le photomaton, en allant au Nolébang, etc., etc. Quel souvenir, je vous envie vraiment. Prenons l'avion à présent et écoutons le message de Harbin en Chine. L'anniversaire qui m'a le plus marqué depuis que je suis devenu adulte est celui que j'ai fêté en 2018. Justement en Corée du Sud. À cette époque, j'ai vu la comédie musicale Hero qui raconte la vie de Han Chung-gum, combattant pour l'indépendance de la Corée au Sejong Art Center à Séoul. Voir un spectacle à l'étranger dont l'histoire se déroule à Harbin, ma ville natale lors de mon anniversaire, a été une expérience inoubliable. Né en mars, Liu Chang est du signe des poissons en astrologie. C'est pourquoi il a proposé d'écouter Mulgogi Chari, Pisces de Li Han. Je suis mais ne pensez-vous pas que nous avons oublié quelque chose? Qui dit anniversaire dit gâteau, forcément. C'est peut-être pour cela que nous avons reçu beaucoup d'anecdotes liées au gâteau. Anan Chaïma d'Algérie est excitée au moment de la découpe du gâteau toujours préparé par sa grande sœur lors de son anniversaire. L'auditeur qui a laissé un commentaire sous le nom Gaïdamir19 sur le compte des réseaux sociaux du service arabe dit avoir pu surmonter la pression au lycée grâce au gâteau surprise que ses camarades ont préparé. C'est un souvenir lui rappelant ses précieuses amitiés. Selon l'auditeur Scope Alexander, les Russes ont tendance à préparer des gâteaux à la maison le jour de l'anniversaire. En vivant à l'étranger, il a dit que le gâteau de sa famille lui manque. En effet, partager un gâteau délicieux d'anniversaire avec ses proches est un pur bonheur. Alors pourquoi pas écouter une chanson de circonstance? Allez, voici Cake Dizzy. De Jisoo pour chanson d'anniversaire en K-pop, une émission spéciale diffusée à l'occasion du 51e anniversaire de la KBS. Découvrons encore d'autres messages de félicitations envoyés à KBS World Radio. Cette fois, ceux qui célèbrent leur anniversaire en ce mois de mars nous ont transmis leur message de félicitations. Voici d'abord le message de Nguyen Nhi du Vietnam. Ma sœur que j'aime beaucoup fête son anniversaire en mars. Chère sœur Enoch, passe une année pleine de bonheur, je soutiens tout ce que tu fais ma sœur. François Liberty des Philippines, quant à lui, aimerait souhaiter un excellent message d'anniversaire à sa mère. Je fais mes études depuis longtemps en Italie, je ne vois pas souvent ma famille. Je vais retourner aux Philippines en mars pour la retrouver. Maman, fêtons ton anniversaire ensemble cette année. J'espère que vous passerez de bons moments avec votre mère. Voici le message envoyé par Nana d'Indonésie. Le 26 mars est l'anniversaire de Siumin Dexo. J'attends avec impatience ses nouveaux projets. Je veux vraiment le rencontrer un jour. En adressant toutes nos félicitations à ceux qui célèbrent l'anniversaire en mars, écoutons la chanson recommandée par Nana. Voici Brand New de Siumin. Jusqu'à présent, nous avons partagé les messages envoyés par nos auditeurs. Il est temps de prêter une oreille attentive aux messages des animateurs de nos programmes musicaux KBS World Radio. 안녕하세요. Bonjour, je m'appelle Che Kyung-in, ami de musique coréenne en allemand. En jouant mon rôle d'animateur, j'ai toujours accès aux dernières actualités. C'est BTS qui m'a fait tomber sous le charme de la K-pop. Il a acquis une grande popularité partout dans le monde. Grâce à lui, nous avons d'ailleurs pu attirer de nombreux nouveaux auditeurs. C'est vraiment incroyable. Je voudrais donc profiter de cette occasion pour souhaiter un grand succès à BTS et à la K-pop. Bonjour, je m'appelle Sioli Nakaeda et je suis animatrice sur KBS. Nous présentons divers styles de musique allant de la musique d'idol jusqu'aux balades. Quand les auditeurs nous remercient d'avoir fait découvrir différents genres de musique sud-coréenne, nous sommes très fiers de notre travail. J'aimerais toujours partager une grande variété de musique du pays du matin clair avec nos auditeurs. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer d'écouter Across the Universe de Bekeline. Comme un message qui se propage à travers le monde, cette belle chanson pourra nous permettre de nous sentir liés l'un à l'autre à travers la musique. Voici donc Ujulul Konno, Across the Universe de Bekeline. Thank you. Nikita du service indonésien. Halo, saya DJ Nikita yang membawakan program K-pop banget di KBS World Radio siaran bahasa Indonesia. Selon Nikita du service indonésien, lire les messages des auditeurs et partager leurs préoccupations est très agréable et lui donne l'impression d'être devenu leur meilleur ami. Parce qu'au service indonésien, certaines émissions se font en direct et les animateurs peuvent échanger en live avec leurs auditeurs. Elle espère garder ce lien privilégié avec les auditeurs dans diverses émissions à venir. Et pour féliciter l'anniversaire de la KBS, elle a choisi Make a Wish Birthday Song de NCT U, l'un des groupes préférés des auditeurs indonésiens. Écoutons-la. Désormais à la rencontre de Clara Kim et Carlos Alfonso, les deux animateurs dynamiques du service espagnol. Abrimos con nuestra canción y nobody, nobody but you. Leur énergie et leur passion sont vraiment incroyables, n'est-ce pas? De plus, Clara est animatrice de musique coréenne depuis 27 ans. Elle doit être une animatrice chevronnée. Selon Clara et Alfonso, leur moment le plus mémorable était l'interview avec Super Junior en 2009. Ils ont passé un moment agréable grâce à Litek et Enyok, deux magnifiques artistes de K-pop. En se rappelant ce moment inoubliable, ils ont même chanté Sorry Sorry de Super Junior. Enchaînons avec l'animatrice Альметова Камила du service russe. Дорогие друзья, здравствуйте. Меня зовут Альметова Камила. Я ведущая. Альметова Камила aime particulièrement recevoir des listes de chansons recommandées par les auditeurs. Elle espère maintenir une relation amicale avec son public russe. Voici son message. 사랑해요, 정치자 여러분. 생일 축하합니다, KBS. Mes chers auditeurs, je vous aime. Joyeux anniversaire à la KBS. C'était Together de Chadnabi proposé par Альметова Камила. La prochaine personne que nous allons rencontrer est l'animateur du service chinois Park Yong-kun. Pour Park Yong-kun, son moment le plus agréable a été un concert de K-pop qu'il a animé en chinois. J'enregistre toujours l'émission dans un studio. Animer un concert en plein air dans le quartier de Sinchon a été à la fois étrange et excitant. Je me rappelle les acclamations enthousiastes du public lorsque les membres de Monsta X ont fait leur apparition. J'espère avoir plus d'occasion de rencontrer les auditeurs en personne. Voici Han Pei Got Her Sweet Gay, Time of Your Life de Day 6 proposé par Park Kung-Wood. Oh, 오늘이 오길 매일같이 더 Il est temps d'écouter les animateurs du service vietnamien. Yunnan se sent la plus heureuse en point de reconnaissant lorsque les auditeurs écrivent son nom lors d'un chat en direct. Lors d'une émission en direct organisée en avril 2023, Quang Nhat a failli crier lorsque le nombre d'abonnés de la chaîne YouTube du service vietnamien a atteint la barre des 100 000. Et l'année prochaine, le service vietnamien va fêter ses 20 ans. Espérons qu'il célébrera son 20e, 30e, voire 40e anniversaire à l'image de la KBS, qui fête cette année ses 51 ans. Les deux animateurs nous proposent d'écouter Plot Twist de Tuas. L'animateur du service arabe nous attend. C'est Farah Subedar. La rencontre avec un auditeur de son service au Moyen-Orient a été l'expérience la plus surprenante. Écoutons alors la chanson que Farah Subedar aimerait partager avec les auditeurs. Voici Adam Down Gone, What Makes Us Beautiful de Vol 4. I'm animateur du service anglais, Brian. Pour rappel, Brian est aujourd'hui au sommet de sa carrière. Bonjour, c'est Brian. Toutes mes félicitations pour le 51e anniversaire de la KBS. Ça fait déjà 2 ans que j'anime K-Pop Connection. C'est incroyable. Je réalise avec le bonheur et la popularité de la K-Pop à travers des rencontres quotidiennes de nos auditeurs de KBS World Radio du monde entier. Je félicite encore une fois la KBS pour son 51e anniversaire. C'est donc Brian. L'émission spéciale réalisée à l'occasion du 51e anniversaire de la KBS, chanson d'anniversaire en K-pop, s'achève ainsi. Nous nous engageons à continuer à partager des actualités intéressantes avec nos auditeurs du monde entier. Pour terminer, je vous laisse apprécier Birthday de Chun Sumi. C'était ici au micro avec une intro à la réalisation. Kamsahamnida, Kamsahamnida, Manayo. The fireworks, I'm dying to pang pang. 마주치면 나 감탄을 like. 그럼 난